56, 7, 8, peu importe. De la rue X, s'il vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer. Seul et parfois même accompagné. Servante, sans vous dire un mot, vous précède des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé. Mélodie.